je vis en décalé, gros, je me laisse aller. Des fois, je finis dans des sales états. Moi, j'en ai bavé, je ne cesse d'en parler. J'ai toujours une dent contre l'état. Tu pars, viens voir où je vis, gros. Les petits veulent tous refaire Carlito. Ça se met beau gosse pour les ninettas. Ils sont invités dans leur daron, non, rien dans le frigo. Ils m'ont vu tout blanc, ils ont dit c'est qui ça. Un rappeur qui danse, ils ont dit c'est bizarre. C'est peut-être des gens proches qui me ragent. Sur mon son, y'a même leur meuf qui se lâche. Fais pas comme les autres, ne suis pas trop le move. Vas-y doucement, doucement. J'ai du taf à faire, occupe-toi tes affaires. Je rappe tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est mon année, ils sont tous fanés. Je mets tout le temps, tout le temps. Dis pas que t'es mon ami, tu l'es pas à mon avis. On se voit qu'en coup de vent, coup de vent. Arrête de parler, mets-toi un peu de qui te regarde. Arrête de t'emballer, t'en fais trop, je sens que tu t'égares. Allez, allez, oh, allez, allez, oh, allez, allez, oh, allez, allez, oh. Arrête de parler, mets-toi un peu de qui te regarde. Arrête de t'emballer, t'en fais trop, je sens que tu t'égares. Allez, allez, oh, allez, allez, oh, allez, allez, oh, allez, allez, oh. Laisse des comptes de bâtard, ils veulent que je m'attarde. Ta missile cherche quoi, ton cœur ou ta placard? Les chemins te placardent, là je me mets au placard. L'ennemi est jaloux, donc poteau prends garde. Prends garde. Je ne suis pas eux, ils sont pas moi. Ils feront leur vie avec ou sans moi. T'as des problèmes avec la loi. Parce que tu crois que le monde est pas toi. Encore de quitter ce décor. J'ai même rêvé que je m'envolais. Mais tant bien les miens pour ne plus les voir jauner. Il voulait de l'argent, tu l'as voisé. Il est parti au casier, il s'est fait raser. Y'a pas de pyro, chez nous, y'a pas de héros. Chez nous, après l'apéro, les jeunes font des poursuites en baradéro. Chez nous, y'a pas de pyro, chez nous, y'a pas de héros. Chez nous, après l'apéro, les jeunes font des poursuites en baradéro. Arrête de parler, mets-toi un peu de qui te regarde. Arrête de t'emballer, t'en fais trop, je sens que tu t'égares. Allez, allez, oh, allez, allez, oh. Dream Team Jules.